Une soirée à Strasbourg. Conte en vers, écrit par Théodore Botrel. Lu par Armen pour audiocité.net. Au lieutenant Charles Cabon. C'est encore un récit de la dernière guerre que ma mère souvent me racontait naguère. Bien entendu, la scène est toujours à Strasbourg, près de la place Kléber. En un calme faubourg où le bruit cadencé d'une prudente ronde trouble seul le silence. Au loin, le canon gronde si bas que l'on dirait un long bourdonnement. C'est 15 jours après l'affreux bombardement. Dans la ville en vainqueur, l'Allemagne se vautre. Son noir drapeau partout a remplacé le nôtre. Le sol, malgré la pluie, est à peine lavé de tout le sang français qui rougit le pavé. Ne voulant pas survivre à tant de flétrissures, des blessés refusaient de soigner leurs blessures. Les maisons qui fumaient depuis 15 longs jours, la rue où des éclats d'obus traînaient toujours, jusqu'au ciel assombri qui pleurait sur l'Alsace, tout nous soufflait au cœur une haine vivace. Mais ceux qui nous avaient vaincus, mais non soumis, finissaient par se croire un peu de nos amis. Ils allaient par la ville en frisant leurs moustaches, laissant traîner leurs sabres avec un air bravache, faisaient des mots d'esprit, riaient d'un rire épais en bénissant la guerre et maudissant la paix, caressaient les enfants et, repus le teint rose, trouvaient que l'existence est une exquise chose. Mais patience, allez, car votre tour viendra, où comme notre cœur saignera. Donc ma mère, à Strasbourg, connaissait une dame qui, bien que détestant la Prusse au fond de l'âme, logeait chez elle 2 officiers allemands. D'un blond fade, tous deux, sanglés dans leur dolman, se croyant les phénix de l'humaine nature, ils se miraient longtemps dans chaque devanture. Très bons garçons d'ailleurs, quand leur digestion était bonne, et lorsque l'énorme ration de saucissons, de lard, de bière et de choucroute avait pu se caser chez eux coûte que coûte, ou quand leur pipe blanche au tuyau de bois noir brûlait sans accident du matin jusqu'au soir. S'entendant assez bien avec leur vieille hôtesse, lui reprochant un seul défaut, l'impolitesse. Ils trouvaient fort étrange en leur naïveté de n'être pas priés à prendre un peu de thé quand la dame le soir recevait ses amis. Eh, cela leur eût fait quelques économies. Voyons, songez un peu. Il ne suffisait pas d'assurer à ces 2 messieurs de bons repas, un lit blanc, moelleux, une chambre bien claire. Il eût fallu songer encore à les distraire. La dame, évidemment, manquait à son devoir. Ils s'en plaignirent fort amèrement un soir, la pipe entre les dents et les mains dans leurs poches. La dame se sentit pâlir sous leurs reproches, d'autant que, connaissant ces rustres à galons, leur demande disait clairement « Nous voulons !» Elle se recueillit un instant sans rien dire. Puis, ayant sur la lèvre un bizarre sourire, elle leur dit avec un salut gracieux « Je reçois des amis demain, venez, messieurs !» Sanglés, frisés, le jour suivant dans la soirée, dans le petit salon, ils firent leur entrée. Leur hôtesse accourut les recevoir au seuil, sombre comme toujours en sa robe de deuil. Sous la lampe, et pendant ses clartés indécises, plusieurs dames, en noir comme elles, étaient assises, ressemblant avec leurs visages tristes et beaux à des anges veillant aux portes d'un tombeau. Nos Prussiens frissonnaient, sans rien laisser paraître, et la dame leur dit « Vous désirez connaître les amis qui parfois me viennent visiter ? Permettez-moi, messieurs, de vous les présenter. » D'abord, mademoiselle Annette, ma cousine, dont le père est, dit-on, mort à Sarreguemines. Puis madame Weber, qui vient de voir les siens massacrés à Beaumont par les Uhlans prussiens. Madame Hans, dont la mère aveugle, pauvre vieille, par quelque Bavarois fut brûlée à Bazeille. puis Madame Muller, dont l'aïeul, vieux aussi, eut les poignets coupés par vous à Busancy. Mademoiselle Klein, qui vit à Raisonville, ses frères fusillés au milieu de la ville. Voici Madame Schwartz, dont le frère, un tambour, mourut battant encore la charge à Wissembourg. Madame Hyde, qui dut voir un jour, spectacle atroce, sa grand-mère à Forbach tuée à coups de crosse. Puis Madame Schneider, son oncle, un vieux curé, pris comme otage, fut lâchement massacré. Et dans ce coin, Madame Hafner, qui devint folle en voyant ses enfants brûlés dans leur école. Auprès d'elle, ma nièce a souffert presque autant. Son jeune fiancé, prisonnier de Sedan, sous les yeux d'un farouche et sauvage adversaire, est mort de faim là-bas, au camp de la misère. Enfin, Madame Hertz, dont les fils, deux officiers, périrent à Morschbronn avec leurs cuirassiers. Et tandis que l'hôtesse évoquait tant de drames, remuait ce passé sanglant, les autres dames, revoyant leurs enfants, leurs frères, leurs maris, trouvaient encore des pleurs dans leurs yeux non taris. Songeant que leur gaieté ne serait plus de mise, que leur digestion en serait compromise, croyant voir autour d'eux des fantômes rôder, comprenant la leçon que vient de leur donner l'hôtesse qui pourtant à s'asseoir les invite, les officiers prussiens filèrent au plus vite. Et les dames en deuil, sans témoins depuis lors, purent prier en paix pour la France et leur mort.